Jane Birkin sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire. Il s'en est à 14 décembre 1946, naissance de Jane Birkin, actrice et chanteuse britannique, vue dans la piscine dans le rôle de Pénélope, la moutarde me monte au nez, la fille prodigue dans le rôle de Anne, la femme de ma vie dans le rôle de Laura ou encore Quai d'Orsay. 1949, naissance de Cliff Williams, bassiste anglais du groupe AC/DC. 1962, naissance de Sandrine Dominguez, animatrice télé française. 1964, naissance de Noémie Lvovsky, actrice et cinéaste française, réalisatrice et scénariste des films Oublie-moi, Les Sentiments, scénariste du film Actrice. Et justement, en tant qu'actrice, eh bien, on a pu la voir dans le film Ma femme est une actrice, dans le rôle de Nathalie, Ah si j'étais riche, dans le rôle de Claire, L'un reste l'autre part, actrice dans le rôle de Nathalie, ou encore Chocolat dans le rôle de Madame Delvaux. 1969, naissance de Natasha McElhone, actrice britannique, connue pour les rôles de Lorraine et Sylvia dans The Truman Show et la série télé Californication dans le rôle de Karen Van Der Beek. 1975, naissance de Valérie Decobert, actrice française connue pour son rôle de Frédéric Castelli dans la série télé Caméra Café et dans les films Espace Détente et Le Séminaire. 1978, naissance de Patty Schneider, ancienne joueuse de tennis suisse ayant fait carrière de 1994 à 2011 et de 2015 à 2018. En simple, elle a été numéro 7 mondiale en 2005, demi-finaliste à l'Open d'Australie, quart de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open et huitième de finaliste à Wimbledon. En double, elle a été 15e mondiale en 2005, demi-finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à l'US Open, quart de finaliste à l'Open d'Australie et huitième de finaliste à Wimbledon. 1979, naissance de Jean-Alain Baumsang, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1998 à 2013 en jouant à Le Havre, Auxerre, au Rangers FC, à Newcastle United, à la Juventus, à l'Olympique Lyonnais et il a terminé sa carrière en jouant au Panathinaikos. C'est également l'année de naissance de Michael Owen, ancien footballeur britannique ayant fait carrière de 1997 à 2013 en jouant à Liverpool, au Real Madrid, à Newcastle United, à Manchester United et il a terminé en jouant au club de Stoke City et a noté qu'il a été élu Ballon d'Or, c'était en 2001. 1988, naissance de Nicolas Batum, joueur français de basket qui de 2005 à 2008 a joué à Le Mans, de 2008 à 2015 il a joué pour les Trail Blazers de Portland, a noté que pendant le lockout en 2011 il a joué un temps à Nancy, depuis 2015 il joue pour les Charlotte Hornets. A noter qu'en équipe de France, au championnat du monde, il est médaillé de bronze en 2014. Et au championnat d'Europe, eh bien, médaillé d'or en 2013, médaillé d'argent en 2011 et médaillé de bronze en 2015. C'est également l'année de naissance de Vanessa Hudgens, actrice et chanteuse américaine, connue grâce au rôle de Gabriela Montes dans High School Musical 1, 2 et 3, vu également dans Spring Breakers dans le rôle de Candy ou encore Machete Kills dans le rôle de Cereza. En 1799, décédé George Washington, homme politique, militaire, géographe et planteur américain, président des États-Unis de 1789 à 1797. En 1861, décédé Albert de Saxe-Cobourg-Gotha, prince consort du Royaume-Uni, époux de la reine Victoria. En 1963, décédé Dinah Washington, chanteuse américaine, notamment connue pour le titre This Bitter Earth, dont on écoute tout de suite un petit extrait. This bitter earth, well, what fruit it bears, what good is love, that no one shares. And if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose, what good am I? Heaven only knows. Voilà pour l'extrait donc de Dinah Washington. En 2011, décédé Joe Simon, dessinateur, éditeur, auteur de comics américains, connu pour être l'un des créateurs de Captain America. Et en 2013, décédé Peter O'Toole, acteur irlandais, connu pour son rôle de T.E. Lawrence dans Lawrence d'Arabie, vu également dans le film 3, dans le rôle du roi Priam, ou encore la saison 2 de la série Les Tudors, où il interprétait le rôle du pape Paul III. Allez, petite pause avec AC/DC et leur titre, leur tube, Highway to Hell. AC/DC, Highway to Hell, jusqu'à la dernière note. Ça fait du bien en ce vendredi. En plus, c'est bientôt le week-end. Allez, encore quelques minutes ensemble. Il est presque 8h46 et bien, on parle météo. La météo. Alors, pour l'instant, il y a pas mal de nuages, mais normalement, le soleil devrait percer pour venir nous faire un petit coucou aujourd'hui. Des températures comprises entre moins 5 et moins 4 degrés ce matin, entre moins 2 et 0 degrés pour cet après-midi. Et pour ce week-end, eh bien, ce sera pas mal du tout. Samedi, on devrait avoir une très belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre moins 6 et moins 5 degrés le matin, entre 0 et 1 degré prévu pour demain après-midi. Pour dimanche, ce sera toujours du soleil avec cette fois-ci quelques nuages. nuages. Des températures qui vont remonter. On passera dans le positif entre 1 et 2 degrés dimanche matin et entre 5 et 6 degrés prévus pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer eh bien, avec du biathlon et on va parler de l'IBU Cup avec les relais de l'équipe de France. Le relais simple mixte a terminé à la 4e place, hein, le relais où il y avait Simon Fourcade. Il termine derrière les Russes, les Allemands et les Ukrainiens. Et ça a beaucoup pioché hein, d'ailleurs dans ce relais. La France 15 pioches, mais la Russie hein, 11 pioches, l'Allemagne 10 pioches, les Ukrainiens seulement 2 pioches. Et le relais mixte où Fabien Claude devait y figurer, eh bien il a laissé sa place à un de ses coéquipiers puisqu'il a passé une nuit on va dire très désagréable. Et bien ce relais français a terminé lui aussi à la 4e place avec 10 pioches derrière la Russie, la Suède et la Norvège. Samedi au programme il y aura le sprint et dimanche et bien ce sera poursuite. Allez, on s'envole maintenant pour Orfersen avec les résultats du sprint féminin et décidément Dorothea Wierer est très en forme en ce début de saison. Elle s'est de nouveau imposée hier devant Kaisa Makarenen et devant la Russe Ekaterina Yurlova. Pour les Françaises, il faut aller à la 8e place pour retrouver Anaïs Chevalier, 17e place pour Célia Aymonier, 23e place pour Julia Simon, 31e place pour Anaïs Bescon, 41e place pour Justine Brezaz et ça a été très compliqué pour Enora Latuyer hier qui termine à la 90e place qui ne participera donc pas à la poursuite de demain. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec les hommes à 14h15 hein, pour le sprint et rendez-vous vraiment à 14h15 hein, puisque le premier français ce sera Quentin Fillon-Maillet avec le dossard numéro 2, donc il faudra vraiment pas être en retard. Dossard numéro 5 ensuite pour Antonin Guigona, le 9 pour Simon Détieu. Ensuite il faudra attendre un petit peu hein, on attendra le dossard 41 pour retrouver Emilien Jacquelin, le 44 pour retrouver Martin Fourcade et le 68 pour Aristide Beck, qui sera donc le dernier français à s'élancer dans ce sprint. A noter que Johannes Beu lui partira avec le dossard 21, donc Martin Fourcade sera renseigné hein, sur ce que fait Johannes Beu, même si je pense qu'aujourd'hui ce ne sera pas sa priorité hein. Je pense que ce sera plutôt pour retrouver hein, des sensations, lui qui avait eu connu une semaine plutôt compliquée la semaine dernière. Et Florent Claude, notre Vosgien courant sous les couleurs belges, je vais y arriver, partira lui avec le dossard 38. Samedi, je vous le disais, ce seront les poursuites à 11h30 pour les dames, 14h15 pour les messieurs. Et dimanche, eh bien, ce seront des relais. Le relais dames à 11h15 et le relais messieurs à 14h15. Un mot de handball féminin avec l'Euro et ce soir, l'équipe de France affronte les Pays-Bas en demi-finale. Allez les Bleus! En basket, en NBA cette nuit, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier à 10 points s'est imposée 97-91 face aux Chicago Bulls. Du côté de chez nous, en Pro B, samedi, Nancy recevra Rouen. En National 1, ce soir, le Jet Vosges reçoit Kaisersberg. Et en National 3, samedi, Mirecourt recevra le club d'Ozoire Val d'Europe. Un mot de football avec les résultats de l'Europa League où a oublié hein, complètement pour l'Olympique de Marseille qui s'est incliné 3-1 hier face au club de l'Apollo Limassol. Marseille termine dernier de son groupe avec seulement un point. Rennes s'est imposé 2-0 face au FC Astana. Rennes est qualifié pour la première fois de son histoire pour la suite de la compétition. Bordeaux s'est imposé 1-0 face au FC Copenhagen, mais malheureusement avec les autres résultats d'hier soir, Bordeaux est éliminé de la compétition. À noter le match nul de Chelsea, 2-2 face au Molvidi avec notamment un but signé Olivier Giroud. Chelsea est qualifié pour la suite de la compétition, tout comme Arsenal qui s'est imposé 1-0 hier face au club de Karabag. Mais ce qu'il fallait surtout retenir de cette soirée, c'était le retour plutôt en forme de Laurent Koscielny. Allez, on passe à la Ligue 1. Quelques matchs ce week-end, il n'y en a pas beaucoup, hein. La plupart ont été encore une fois reportés. samedi, Reims recevra le club de Strasbourg. Strasbourg qui jouera d'ailleurs avec un maillot spécial hein, pour rendre hommage aux victimes eh bien, donc, des événements derniers hein, qui ont eu lieu à Strasbourg. Dimanche, Nîmes recevra Lille, Nice, Saint-Étienne et Lyon, Monaco. En Ligue 2, ce soir, Nancy reçoit 3 et lundi, Metz se déplacera à Valenciennes. En National 2, samedi, Épinal recevra l'équipe 2 de Lens. En National 3, samedi toujours, hein, Raon-l'Étape se déplacera pour affronter l'équipe 2 de Troyes. Et Tanles-les-Vosges recevra le club de FC Aglo-Troyenne. Et on termine avec du hockey sur glace en Détroit. Samedi, déplacement pour Épinal à Luxembourg. Et bien voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Vanessa Hudgens et son titre Say Hockey. You are fine, you are sweet, but I'm still a bit naive with my heart. When you're close, I don't breathe, I can't find no words to speak, I feel sparks. But I don't wanna start seeing you if I can't be your only one. So tell me when it's not. Vanessa Hudgens sur RGM, presque 8h56, c'est déjà donc l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, ce sera Ours et Carotte. 13h30, la rediffusion de la chronique des secrets de Mathilde. 14h, rediffusion de J'aime et je vous le lis. 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic. 18h, l'heure des loups avec Lou consacrée aux billets de sortie. 21h, ce sera Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Quant à nous, eh bien, on se retrouve lundi matin. Même heure, même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end ensoleillé. Bye bye.